Dédicace aux objets suivants. Dédicace à ma famille, sans vous je partirai en vrille. Dédicace à mes amis, merci d'être aussi gentil. Dédicace à toutes les fleurs, je vous porte dans mon cœur. Dédicace aux animaux, je vous trouve tous tellement beaux. Dédicace aux arcs-en-ciel, grâce à eux la vie est belle. Dédicace aux aliments, je les trouve très nourrissants. Dédicace à tous les gens, vous êtes vraiment amusants. Dédicace à la nature, elle a une sacrée allure. Dédicace aux objets suivants: chaussures, lavabo, casserole, poignée de porte, lit, crayon, papier, table, ordinateur, rasoir, produit vaisselle, fenêtre, épaule, bol, pot de fleurs, ballon, horloge, coton-tige, piano, t-shirt, combat, brosse, bouteille. C'est cool. J'espère que tu kiffes. Dédicace aux objets suivants: chaussures, lavabo, casserole, poignée de porte, lit, crayon, papier, table, ordinateur, rasoir, produit vaisselle, fenêtre, épaule, bol, pot de fleurs, ballon, horloge, coton-tige, piano, t-shirt, combat, brosse, bouteille, savon, stylo, radio, banane, clavier, box. Dédicace aux objets suivants. On a gagné. Facebook, dédicace à YouTube, dédicace à MySpace, dédicace à SoundCloud, dédicace à Universal Net Label, dédicace à Twitter, dédicace à Google, dédicace à Skyblog, dédicace à Dailymotion, dédicace à ma famille, sans vous je partirai en vrille, dédicace à mes amis, merci d'être aussi gentil, dédicace à toutes les fleurs, je vous porte dans mon cœur, dédicace aux animaux, je vous trouve tous tellement beaux. Dédicace à ma famille, sans vous je partirai en vrille, dédicace à mes amis.